J'ai longtemps habité le vide, c'était comme ma maison, j'étais pas bien. Je me prends la tête pour des gens qui n'en valent pas la peine. Ceux qui donnent le plus, c'est ceux qui ont rien. Je regarde autour et je trouve pas de réponse. À l'intérieur, j'ai beaucoup de démons. Ils me regardent tous les soirs quand je ferme les yeux. Ils veulent que manipuler mon destin. Oh la dé, je suis condamné à vivre. Je regarde pas derrière, y'a des choses qui m'attristent. Je tendrai ma main pour ressentir l'espoir qu'on ressent quand on n'a plus grand chose à se dire. Regarde le ciel, il te donnera des réponses. Rallume la flamme et te pose pas de questions. Le cœur d'un holo, le cœur d'un holo, c'est quoi? C'est juste le cœur d'un homme qui fait dodo. Ah. J'ai peur de ce que je deviens. Moi j'ai peur de ce que je retiens. Car dans cette vie, je vais pas finir solo. J'ai le cœur vide, j'ai le cœur d'un holo. Ah. Les coups durs assombrissent mon esprit. Quand le cœur est touché, il est pas qu'effleuré. Le jeu des sentiments, c'est pas de l'escrime. Combien j'estime, d'humain à qui je destine ma confiance. Lui, t'aimes pas, il fait style. T'aimes pour ton textile, j'vide mes fiancés. Des relations basées sur l'intérêt. La loyauté est accordée par intérim. Si l'amour devait s'exprimer, ben moi je le tairais. Une carapace émotionnelle que j'enterrine. J'fais partie de ces gens terribles. J'sais plus si l'amour je le mérite. Je prie pour que personne n'hérite. J'ai trop dans ma poitrine la musique de l'amour. Pas un jour je crois que j'en connais plus les rimes. Dis.